9-3 pas de balance, vacances à toi et tout tes sahabs. 9-3 si tu balances, phalange, pécou à la 6 sahabs. Laissez place, on a la recette, la lune est pleine, fils de loup. Tiens ta go pendant qu'elle accouche d'un fils de nous. Je persévère, je vois que derrière, comme un persévère ou un pro de ses nets. Déterre sa mère pour un gros salaire, on déterre ton père qui rembourse tes dettes. Quitte la terre, va à Budapest, quitte à ma terre de toute manière. Juste ma rue, baisse toute ta tête, sois un cul devant, tu retournes ta veste. On maîtrise la guerre, gentiment, on te nie ta mère sans sentiment. HLM galère, pas de gruyère, c'est la haine, c'est l'Afrique comme un continent. Je les termine, vermine, salade, j'ai mes aères, mine. Neuf ans maîtrise les armes et les noirs. Se reste noir, une bonne année, déterré, affamé. La rue va s'enflammer, c'est pesé et emballé. La frappe arrive sur Riva. La frappe arrive sur Riva. Serait-ce que moi une bonne année, déterré, affamé. La rue va s'enflammer, c'est pesé et emballé. La frappe arrive sur Riva. La frappe arrive sur Riva. Ça sent l'avenir, on débarque avec un sourire. Voir les sous, les soucis venir. Rester pauvre et sans souvenir. Oui t'inquiète, on va tout raser. Taille des pipes, à vous, ah ouais. Ne joue pas avec le royal si tu te confies au poulailler. La frappe sans l'avenir, on débarque avec un sourire. Voir les sous, les soucis venir. Rester pauvre et sans souvenir. Oui t'inquiète, on va tout raser. Taille des pipes, à vous, ah ouais. Ne joue pas avec le royal si tu te confies au poulailler. Ton rap de merde passe en radio. Notre rap de guerre te casse le bras. Ça parle de vœux, ça parle d'héros. Mais tu fumes la frappe, juste à me da. T'es pas ma femme, tu t'es trop volé. Mon ennemi voudra te baiser. Et si tu craques, tu me feras couler. J'suis aussi vrai qu'un sapeur congolais. Une bonne année, déterré, affamé. La rue va s'enflammer, c'est pesé, emballé. La frappe arrive sur Riva. La frappe arrive sur Riva. Souhaite-moi une bonne année, déterré, affamé. La rue va s'enflammer, c'est pesé, emballé. La frappe arrive sur Riva. La frappe arrive sur Riva. Souhaite-moi une bonne année, déterré, affamé. La rue va s'enflammer, c'est pesé, emballé. La frappe arrive sur Riva. La frappe arrive sur Riva.